7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia la planète et la familia, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit malgré l'orage, les grêlons, ouais, c'est tombé du côté de Feuillologe ou des gros grêlons comme des balles de tennis quasiment, on fait pas mal de dégâts. Justement, si vous avez des témoignages, vous pouvez nous appeler 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, on est en direct ce matin, 7h, 9h, c'est Francky dans la radio. Côté ciel aujourd'hui, ça va, on n'est plus en alerte orange du côté du Loiret, les températures sont pas mal, 14 degrés au lever du jour, on montera jusqu'à 24-25 degrés, un peu moins chaud que ce week-end, il a fait très très chaud samedi, jusqu'à 40 degrés, c'était énorme, hein, avec pas mal de pannes aussi du côté de Saint-Cyr-en-Val où un train a été bloqué, et les passagers ne sont partis que ce matin, à 4h du matin, ben voilà, la bonne nouvelle, Ginza qui arrive, ça c'est pour bien vous réveiller, on est en direct à Radio Arc-en-Ciel, 7h02, Francky. Toma. Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar. Se muerde los labios y se mueve bien sensual. Si dudas de mí, de todo lo que te haré. Y si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Toda la noche lo que vive y como lo quiera. Quiero que se transforme y que saque lo de fiera. Que grite como tú quieras, reggaetón que te quema. Valemos toda la noche que yo corro con lo que sea. Vente, que quiero perderme. En tu mundo de paso, dañémonos la mente. Déjame acariciar tu cuerpo tan caliente. Déjame sentir tu piel como se siente. Que te acercara. Si tú quisieras, mami, ven conmigo a la pasada. Suéltate el pelo. Alójate. Saca paseando a mi reloj. Y lúcete. Ven que te invito. Hasta el infinito. Ya tu noche la mejor. Vacila con los favoritos. Reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Dale movimiento, dale dembow. Menealo rápido, ponle que slow. Se pone luchona cuando baila con flow. Rompe toda la sonda. El rayón le sol pour bien vous réveiller ce matin avec Ginza. Et puis il est au téléphone avec nous, c'est Monsieur Feria. Lui, il a été touché par la grêle, c'était hier. Salut Monsieur Feria, bonjour. Oui. Bandia, comment il va bien? Bon, pas trop, hein. Pas trop, il y a eu des dégâts. Tu habites où, toi? Bon, un grain. Un grain, à côté de Feuillologe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup de dégâts. Il y a eu quoi comme dégâts? Bon, il y a deux voitures de foncées. Ah, les deux voitures, ouais. Ouais, et une partie de toit tout foncé. Et le toit aussi, ah là, ouais, ça c'est la grêle, quoi. Ils étaient gros, les grêlons? Le plus gros que j'ai vu de ta maman, il y avait 8 cm. 8 cm. Ah ouais, c'est impressionnant quand même, hein. Ouais. Du coup, il va falloir faire marcher les assurances, alors. Bah oui. Ouais. Ça y est, c'est encore de l'administration, hein. Et puis là, en France, on est pas mal barré avec l'administration française, hein. Ouais. Ah, je sais. Des papiers, hein. Non, c'est ça. Bon, en tout cas, bon courage pour le travail, bon réveil, monsieur Faria. Merci. Hein? Et puis, courage pour l'administration, pour les assurances, hein. On va voir ce que ça va donner. Ouais, ça va s'arranger normalement. Ça devrait aller. Tout ça marche. Ouais. Il faut attendre encore un mois, il faut avancer. Hein. Eh ouais, il faut avancer dans la vie, c'est ça. Bonne journée. Merci, toi aussi. Salut. Vous aussi, vous pouvez nous appeler si vous voulez témoigner 02 38 43 48 00. C'est Francky dans la radio. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Ah oui, on réveille. Bah allez. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Red One, Mr. World Red, Hamel Shaki. Habibi, I love you, I need you, Habibi, mon cœur. I love you, I need you, Habibi, la vie n'est rien qu'en débat.

on adore déjà sur Radio Arc-en-Ciel, la Gofa Lolita, la petite culotte, ah ouais, pas facile le nom le matin. En tout cas, il est en playlist, ça y est, hein. Et on aime bien ce petit mec, il arrive du Corse. On va d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, 7h16, en direct, et Henry Mendes. Que la unión hace la fuerza y que cuando se juntan talento y creatividad, el único camino es el éxito. Roster Music, poniéndote el flow tropical. La disco de forma indecente, la mano para arriba, mi gente, que somos latinos de sangre caliente. Quiero tenerla junto a mí, cuando la vez se me diga que sí. Cuando ella quiera nos vamos de aquí, porque en mi cama ya sigue el party. Vamos a quitarnos toda la ropa, mientras yo beso tu boca. Voy jugando con tu pelo, mío, te vuelves loca. Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura. Los dos juntitos por siempre, tomados de tu cintura. Elisabeth qui est partie bosser du côté de la chapelle Saint-Mémin. Salut Elisabeth, belle journée dans la bagnole en train d'écouter Radio Arc-en-Ciel. Bon lundi, le réveil n'est pas facile. 7h, 9h, votre 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, au réveil. Ouais, il y a des jingles qui partent dans tous les sens le matin. Bah oui, il faut pas appuyer sur tous les boutons en même temps. J'ai décidé un peu de Kizomba pour bien démarrer cette semaine. Grisaille un petit peu, mais le soleil sera là aujourd'hui jusqu'à 25 degrés. Pas de pluie normalement au programme, mais un ciel couvert, nuageux. Et des températures plutôt pas mal, mais cette semaine de la pluie et des nuages. Elle rayonne dans le sol. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer.

7h-9h, c'est Francky dans la radio avec Makassi qui reprend les Magic System, premier Gaou. On vous souhaite une belle journée avec du soleil aujourd'hui, quelques nuages quand même, la pluie ne va pas s'inviter. Et puis une fille qu'on adore, une reprise d'Ed Sheeran par Sarah Vache, vous l'adorez déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Le matin. On l'adore, elle s'appelle Sarah. Je vais voir sur YouTube, vous allez voir, magnifique, plein de reprises. On en écoutera d'autres ce matin. La météo aujourd'hui. La météo. Et comme je vous le disais, le ciel est nuageux avec du soleil aujourd'hui. Des soleils, des nuages, les températures 25 à 14 degrés pour le lever du jour. C'est plutôt pas mal, il fait encore un petit peu lourd. Un peu moins que ce week-end, ça fait du bien, un peu de flotte comme ça qui est tombée hier, malgré les grêlons et les grêles qui a fait pas mal de dégâts, hein, du côté de chez M. Ferlia, par exemple, à Ingrane, voilà, côté de Feuillologe, aussi à Ingré, où c'est tombé pas mal, c'est ce que nous dit Benoît. Voilà, pas mal de grêlons, si vous avez des témoignages, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du stand. Un bon anniversaire à Pascal aujourd'hui qui fête ses 53 ans. Happy birthday. Un message de Yolène qui nous dit salut Francky, belle journée à toi. Sous le soleil peut-être. Bah normalement il devrait arriver. Voilà. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard si vous voulez nous appeler. Comme Hélène qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Hélène. Sarah H, on vous l'a dit. Qui cartonne en ce moment sur le net. Voici Aime-moi comme tu es. La reprise de Ellie Goulding. Dans le soleil, dans la nuit, t'es la couleur de ma voix. Le remède à ma vie, la seule âme en qui vraiment je crois. Sans savoir qu'un jour ce serait toi. Oui, toi. Leur folie, je m'en fous. Avec toi, 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Material, edición. Doula, Doula, El Daddy Yankee. Bonjour à José qui nous écoute du côté de Saint-Privé, qui est parti au boulot depuis 5h30 du matin dans le camion déjà. Bah oui, vous aussi, vous êtes peut-être sur le chantier. Bah ça y est, c'est parti. Hein. Ou alors direction le bureau ce matin, 7h38. Le meilleur de la musique pour vous accompagner sur la tangentielle du côté de la source. On les écoute aussi. Seb, salut mon Seb, sur chauffeur poids lourd qui est sur sur une aire de stationnement. Il nous écoute 96.2 FM par hasard. Salut mon Seb, belle journée à toi avec le meilleur du son. Voici Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Belle journée et bon réveil. Nobody but you. Salut Nini, salut toute la famille. Merci d'être là ce matin, 7h42. Toutes les nouveautés sont chez nous le matin pour vous emmener au bureau, au boulot, au bon réveil. Exclusivité Radio Arc-en-Ciel, le tout nouveau Caméléon, Dalé Doulo. Dale, dale.

souvenir des vacances avec la Madone, Holiday, les années 80, ça c'était bon. C'était bon, Amar qui se barre en Turquie, qui nous souhaite une belle journée, ça y est dans l'avion. Ah mon ami, merci à toi, bon voyage et bonnes vacances. C'est le nouveau Naps, sans sas, vous l'adorez déjà. On bosse à la niçoise, le Yoda et une Marlboro. Quand j'ai un déclessif, cache la beuh dans les coraux. Elle rend ouf que je la vesqui, je suis sans crochet, les parents, je fume des pétous. On a presque isé pour Kilimanjaro. Sans sas, sans sas, j'ai claqué 20-40 et vous dans la tête, bois c'est sans sas. Sans sas, sans sas, on a enflammé le rooftop, la easy life c'est sans sas. Dans les îles, j'ai pris un séjour pour deux. J'ai pris la meilleure suite dans un hôtel luxueux. Envie de passer ma life sur un gros yacht monstrueux. À la Burj Khalifa, j'piste des fontaines lumineuses. J'vais prendre une belle parure tout en orphin. J'sais que t'avais un kiff, c'est nager avec les dauphins. Vacation neuf, Phuket, je prends le bain. C'est mieux qu'à mon life à rester coincé dans le Banks. Sans sas. De FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Let's go. Yo soy el hombre, tú

Elena Correa, Nel Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les trois groupes de tambour. Et à ne pas rater le 9 et 10 juillet prochain, un super événement Radio Arc-en-Ciel. Nos invités qui viennent d'arriver dans les studios de la radio, on va les accueillir à la SPTT Orléans Football. Des événements qui arrivent, on va parler du club en direct. Voici le nouveau Kinvé, bientôt 8h. On vous souhaite une belle journée, un bon réveil, courage à vous si vous allez bosser du côté d'Orléans Saint-Privé ou encore La Source. Belle, belle journée. Plus depuis longtemps, tu fais en sorte que je me rappelle de ce que t'appelles le bon vieux temps. Tout c'est loin que je m'en souvienne, telle une girouette, tu suis le vent. Bah tu reviens, ce n'est pas la peine, je sais qui t'es maintenant. C'est quel genre de toupé, t'as eu ta chance, t'as loupé, c'est quel genre de toupé, t'as cru que j'étais ta poupée. Comme si de rien n'était, comme si t'étais jamais parti. T'es un moustique en été, tu crois venir gâcher ma vie. Chaque fois que tu es endetté, malgré tout je n'en suis pas ravi. Mais si t'es venu pour gratter, écoute bien ce qui suit. C'est quel genre de toupé, t'as eu ta chance, t'as loupé, c'est quel genre de toupé, t'as cru que j'étais ta poupée, redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était. Redis-moi où t'étais, bah ouais, redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile, redis-moi où t'étais, bah ouais, redis-moi, redis-moi, redis-moi, redis-moi où t'étais, redis-moi, redis-moi, redis-moi, redis-moi où t'étais, redis-moi, redis-moi, redis-moi, redis-moi où t'étais, redis-moi, redis-moi, redis-moi, redis-moi où t'étais, où était. Ce temps, t'étais du perdu, je suis têtu tout autant que toi tu t'es tu. Où étais-tu tout ce temps, t'étais du perdu, je suis têtu tout autant que toi tu t'es tu. Ce matin, la SPTT, il y a un grand événement qui va arriver bientôt au mois de juillet. On va vous en parler, on va parler du club aussi pour savoir ce qui se passe un petit peu. Bah ouais, nous on aime tous avoir la radio le matin. 8h30, Bandit à la planète, si vous venez d'arriver avec Bruno Mars, 24 Magic. Belle journée, 8h03 aujourd'hui, du soleil jusqu'à 25 degrés, si je me trompe pas, normalement, ouais, 25 à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas d'orage en tout cas. Vigilance orange, ça y est, c'est fini pour nous. On va être bien aujourd'hui. Bruno Mars, belle journée. Courage à vous pour le taf. my pocket, keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket, keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking, keep up. Players only, come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. Get too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag best. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. You mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? For Magic, 8h06, on est en direct 96.2 FM. Bienvenue, c'est Francis dans la radio comme tous les matins. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky, puis son réveil matin, lui, a dû être agréable parce que ça y est, réélu député. Richard Ramos est avec nous au téléphone. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Ça va bien, la forme? Ça va, bien évidemment la forme et puis... On va commencer à se remettre au travail dès aujourd'hui. Eh ben ça y est, réélu député, ça nous fait plaisir. Ça, toi, tu t'as pas dû beaucoup dormir, je pense. Non, on réfléchit, on se dit toujours ce qu'on n'a pas fait. Même si on a gagné, moi je me contente pas de penser à la victoire. Je me dis qu'il y a trop de gens qui n'ont pas été votés et que à chaque fois qu'il y a des gens qui ne vont pas voter, je me sens responsable. Et donc il faut reprendre son bâton de pèlerin et dire aux gens, il faut aller voter, expliquer ce qu'on a envie de faire et de faire en sorte qu'on fasse, je dirais, France commune. France commune. Alors des nouvelles idées, des nouveaux projets, Richard? Oui, je pense que d'abord ça va être très compliqué, on le voit au niveau national. Voilà, moi à titre personnel, localement, je suis quand même très content. J'améliore mon score de 2017, j'améliore le score du président. Ça veut dire que peut-être que ma personne sur le terrain, un peu atypique, un peu proche des gens, un peu sur tout le temps sur le terrain, ça a pesé dans cette élection. Et donc les projets, évidemment, et vous le savez, ce sera toujours d'accompagner, évidemment, au niveau national, tous les projets autour de l'alimentation, de la restauration, des petits paysans. Ouais. Mais aussi, là, il va falloir travailler sur d'autres sujets. Je les mettais pas en avant, mais j'y étais déjà, notamment sur le pouvoir d'achat, sur les plus humbles, et puis aussi sur cette jeunesse qui a fui les urnes. Et donc, il faut retrouver cette jeunesse pour qu'elle aille voter. Et donc, il faudra aller travailler également tout ce qui est autour de l'écologie et de l'urgence climatique. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de chemin encore à parcourir. Tu disais justement la jeunesse. Beaucoup de jeunes ne savent même pas ce que c'est que les législatives. Ça, c'est la réalité aussi aujourd'hui. Eh oui, c'est la réalité. Moi, je ne le mets pas sur la faute de la jeunesse. Je le mets sur la faute des élus que nous sommes. Et je prends ma part à cette responsabilité-là. Il faut qu'on aille voir les jeunes. Peut-être que même vous, Franck, sur les boîtes de nuit, est-ce que demain, il n'y aurait pas une soirée politique dans les boîtes de nuit? Ah bah nous, Léopold, on est prêts à le faire. Hein. Moi, je suis prêt à m'associer avec toi. Hein. Voilà, on remet tous les candidats, on remet tous ceux qui ont des choses à dire aux jeunes, et puis on fait une espèce de speed dating des discothèques auxquelles on fait vivre la démocratie pendant 30 minutes, par exemple, dans une discothèque. En tout cas, il faut prendre son bâton de pèlerin. On peut pas avoir une jeunesse qui se désintéresse de la démocratie. Eh bien, en tout cas, merci Richard Ramos de ton témoignage, et puis bravo encore. Et puis aussi, merci pour la solidarité, parce que tu étais un des seuls députés dans les parages, on va dire, qui a soutenu les discothèques et puis les restaurants. Merci Richard. Merci à vous, bon courage et à bientôt à tous les auditeurs. Merci, en direct, Richard Ramos sur Radio Arc-en-Ciel. De Palma sur la route, vous êtes peut-être sur la route du boulot aujourd'hui, bah ouais, faut y aller, hein. Bah c'est ça, hein. Faut gagner un peu de thunes, c'est bien aussi, hein. Heureux d'être là à 8h12. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky dans la radio, on est heureux de vous retrouver comme tous les jours, et puis nos invités qui viennent d'arriver dans les studios, enfin ils sont réveillés un petit moment déjà, on les a fait patienter au café, comme d'hab, nous on est bien. Et on va parler de la SPTT, et j'adore, parce que moi j'ai joué au football quand j'étais gamin, alors là ça m'a fait plaisir de voir un ancien, bon la jeune dame je la connaissais pas, je l'ai découverte ce matin, mais l'ancien je le connais, monsieur Angelbert. Bon, on va les accueillir, on commence avec qui? Bah, je suis galant, bonjour madame. Bonjour. Tu t'appelles comment? Alors moi c'est Eve-Marie Belluot et je suis la chargée de développement sportif de la SPTT Orléans. La SPTT Orléans, et bon, un que je ne veux pas présenter, Patrick Angelbert, bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs, ça va très bien. Alors je vais être honnête avec toi, quand je t'ai vu arriver, ça m'a fait un peu un coup d'éclat, parce que je me rappelle de toi il y a quelques siècles sur le terrain. Tu as été coach, tu as été joueur, ça t'a fait plein de choses, toi. Ben ouais, en fait, j'ai eu la chance de participer à pas mal de choses avec la SPTT Foot. Ouais. Après, maintenant, je suis plutôt à la direction avec l'équipe dirigeante, avec la SPTT Orléans, donc. En général. En général, exactement. Là, on va faire une globalité de la SPTT, pas forcément le foot, mais la SPTT, il y a plein de choses. Hein. On va parler justement avec vous. Tout à fait. La SPTT, c'est 30 activités différentes, ouais. Avec du loisir, de la compétition, du sport destiné aux jeunes, aux adultes, du sport pour tous. Il y a plein d'activités proposées par l'association. Et ben, je suis heureux de retrouver des associations, de faire parler des associations, parce qu'il faut être honnête, hein, les associations, ils sont pas toujours forcément aidées comme on voudrait, hein, sur les finances, sur plein de choses. Alors avant de parler du club, au niveau des adhérents, ça se passe, et les gens continuent à adhérer malgré qu'il y ait eu le Covid, malgré qu'il y ait eu plein de choses qui ont peut-être freiné. Ouais, là actuellement on est 2000 adhérents. Ah ouais. Situation Covid toujours compliquée pour les associations, surtout sur les sports en salle. Là, ouais. C'est clair qu'il y a eu pas mal de personnes qui n'avaient pas suffisamment d'activité sur l'année. Après, on a eu la chance d'avoir les adhérents qui étaient exceptionnels. Hein. Ils ont joué le jeu, ils ont suivi. Exactement, ils ont joué le jeu, ils nous ont permis de maintenir une trésorerie à peu près correcte. Deux salariés dans l'association, c'est vous. Vous êtes là. C'est ça. Au moins, vous êtes payé à quelque chose. écoute, ouais, tout à fait. On va parler un petit peu de la SPTT, on démarre avec Ech peut-être, non? Oui. Ouais, la SPTT en général, pour un peu l'histoire, on va pas en épiloguer sur 3 heures, parce que sinon on en a jusqu'à midi. C'est sûr. Mais la SPTT, c'est quoi? Ça vient de quoi? Parce que tout le monde disait la SPTT, les chèques postaux, etc. Est-ce que c'est ça a un rapport? Ça, voilà, j'ai envie de savoir. Moi je sais, mais les auditeurs ont envie de savoir aussi. Alors pour commencer déjà, SPTT, effectivement, ça veut dire Association Sportive des Postes, Télégraphes et Téléphones. Oula, c'est à l'ancienne, là. C'est à l'ancienne. Attends, je t'envoie du morse, là. Parce qu'effectivement, on fête nos 81 ans et la première section de la SPTT Orléans, c'était le foot, justement. Eh ouais. Ah là là. Voilà, mais il faut savoir que ça a bien changé depuis. Maintenant, comme disait Patrick, on a plus de 30 activités sportives différentes et c'est ouvert à tous. Donc on a effectivement quand même beaucoup de postiers, etc. Mais c'est ouvert à tous. Maintenant, c'est plus spécifique la poste, la SPTT. Ouais, ça n'existe plus les PTT. Enfin, on dit plus les PTT maintenant. Non, on dit plus les PTT. Heureusement que ça a évolué d'ailleurs. En tout cas, une belle histoire. Alors, le club, il a été créé quand, le club? 1941. Ah oui, donc c'était avant-guerre alors. C'est ça. 39, là, 39-40, je réfléchis, ouais, parce qu'il faut que je me rappelle aussi de la guerre. Enfin, j'étais pas né, mais pour remémorer un petit peu les mémoires. Donc c'était pendant la guerre, en gros. Alors juste après, juste avant la guerre, justement. Ouais, juste avant. Ouais, juste avant. Ouais. Et là, justement, dans le cadre, on a un anniversaire à souhaiter, c'est les 81 ans de la SPTT. Ah ouais, aujourd'hui. Général. Alors on va le faire au mois de juillet, le 2 juillet, au stade Fernand Sauger. On va faire une grosse manifestation regroupant toutes les sections sportives. Mmh. Et puis l'occasion de partager entre nous déjà des bons moments, de faire venir du public extérieur. C'est quoi le but? C'est de rassembler tous les sports confondus que la SPTT gère. Et de faire un grand événement autour de ça. Alors déjà le but c'est de fêter nos 80 ans qu'on n'a pas pu faire l'année dernière à cause du Le Covid. Voilà. Et après ça va être vraiment de rassembler toutes les sections déjà en interne au sein de la SPTT et même de faire découvrir nos activités au public extérieur. Donc comme disait Patrick, c'est samedi 2 juillet de 10h à 19h au stade Fernand Sauger à Saint-Cyr-en-Val. Un beau stade, hein, j'ai joué au foot là-haut, moi. Non, j'en ai marqué des buts. Hein. Non, j'étais nul, moi. Et donc, il y aura plusieurs choses. Il y aura un petit village multisport avec justement toutes nos sections sportives qui proposeront des animations. Ouais. Un petit programme à la journée avec des démos, des randos, des matchs, des tournois pour les adultes et pour les enfants. Sympa, ça. Des structures gonflables gratuites. Ça sera sympa aussi. Pour les gamins, si vous ramenez vos gosses, vous les abandonnez là-dedans. Vous voulez pas les reprendre. Hein. Il y aura des petits jeux avec des lots à gagner. Puis bien sûr, comme on est près du foot, il y aura une belle buvette avec barbecue, etc. N'allez pas, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vous le rappelle. Hein. Pas de combinose. Et je précise que l'entrée est libre et gratuite et ouverte à tous. Donc c'est ça à tout le monde alors? C'est ouvert à tout le monde. Le but, c'est vraiment de découvrir nos sports, de s'informer sur nos activités, et puis pour ceux qui voudraient éventuellement de s'inscrire pour la saison prochaine. Bah oui, ça de récolter des nouveaux adhérents et puis aussi des nouveaux sportifs. Exactement. Il y a combien de clubs il y a quoi comme club? Il y a le foot, il y a le tennis, il y a quoi? Il y a de tout. De ça tout. Va de quoi, des quoi sports classiques comme le foot, le running, le basket, la natation. On va avoir aussi dans nos dernières sections de l'ultimate. C'est avec un frisbee. Ah, c'est nouveau ça. Voilà, ouais. Le cheerleading. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'original? Le lacrosse aussi. Ça se joue avec une crosse et une balle en armure limite. Sympa ça. Ouais, c'est un sport, peu football américain. C'est un nouveau sport. Sport canadien. Ouais. Sport canadien. Ah, ça vient du Canada. Canada ouais. D'accord, ok. En tout cas, un bel événement. Donc, c'est quelle date? Samedi 2 juillet de 10h à 19h à Saint-Cyr-en-Val. Et pourquoi on a pris Saint-Cyr-en-Val et pas le stade de Hardon où il y a le football? Je pense c'est une question. Alors, en fait, c'est le même endroit. Hein. Ah, c'est le même endroit. C'est qu'en fait, ouais, on est sur la commune de Saint-Cyr-en-Val, on est en bordure d'Hardon. Parce que moi, j'ai connu le stade, moi, j'appelais ça Hardon, la petite mairie. Eh ben, c'est toujours la petite mairie. C'est le stade Fernand Sauger. Ah, bah, moi, tu vois, je m'en rappelle plus. Attends, il y a 30 ans. On est sur deux communes, en fait. Deux communes. C'est toujours aussi magnifique, ce stade de football. Ouais, j'étais vécu de choses là-haut. Patrick, alors cet événement, ça te tient à cœur, toi, parce que toi, t'es baigné dans la SPTT, toi. Ouais, tout à fait. Non, ça devrait être un moment super sympa à partager, à retrouver des personnes justement qui ont joué sur ces 80 ans. Imagine bien, pas retrouver les plus anciens, mais en retrouver un maximum. Le plus ancien, il sera là, tu sais pas, vous avez pas de Déjà, on a la chance d'avoir Gérard Andrier qui a fait 50 ans de bénévolat à la SPTT. Gérard le coiffeur, c'était alors, ça? Non, c'est Gérard Vrain, Gérard Andrier, mais tu vois, ils seront là tous les deux, c'est des personnes. Il sera là, Gérard le coiffeur. Il sera là, tout à fait. Je peux lui faire une coupe de cheveux en même temps. T'as raison. C'est le même souvenir avec lui. Non, on a la chance d'avoir des bénévoles qui ont été fidèles pendant de très longues années, qui vont participer à la journée. Bon, on va échanger évidemment des bons moments ensemble. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver des bénévoles? Parce que tout le monde parle de bénévoles sur les associations. Ouais, pas trop. Ouais. En fait, on se rend bien compte que les anciennes générations participaient davantage. Ouais. Là, on aimerait avoir des bénévoles un peu plus, enfin, pas plus jeunes, mais un renouvellement en fait de bénévoles, ça serait plutôt bien dans toutes les assos, j'imagine. Bon, écoute, on est à la recherche. Après, c'est pas facile, je vous le dis. Ouais, on sait que c'est pas simple. On sait que c'est pas simple. Comment on fait pour vous joindre? Il y a quoi? Il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, Alors, on a un site Internet SPTT Orle Omnisport, on a un Facebook. Après, téléphone, mail. On est assez réactif sur nos réseaux. Sur le réseau Facebook, parce que beaucoup l'utilisent, ou Insta, par exemple. On tape quoi? SPTT Orléans. Ouais. Vous allez avoir l'Omnisport, et je vous répondrai avec plaisir. Ah là là. Eve vous répondra avec une belle voix, douce et charmante comme ça. Ça va être sympa. Patoche, c'est lequel le sport qui marche, il marche tout, je pense, qui fonctionne le mieux pour. On a des grosses sections, tennis, natation, c'est des grosses sections. Cheerleaders, c'est une section qui est assez récente, mais par contre, on a la chance de compter dans les membres des cheerleaders, c'est une personne qui est en équipe de France, qui a fini troisième mondial en équipe là à Orlando. La triathlon, randonnée marche nordique aussi. Pas mal de sections qui fonctionnent bien. Ouais. On n'est pas axé sur le sport de haute compétition, mais on a quand même des athlètes de bon niveau. Super important ça. Le stade de Soulaire, il existe toujours. C'est une question. On a notre section tennis qui pratique dessus. Ça rappelle des bons moments, Soulaire. Ouais. C'est joli là-bas aussi. Sympa le cadre, la forêt. J'ai passé des matchs de foot là-haut un peu en forêt. Ouais, c'était sympa. Donc cette date, elle arrive rapidement. C'est bientôt là. C'est dans 15 jours. Quoi. C'est ça. On sera prêt pour vous accueillir. Donc on pourra essayer le foot. On pourra essayer de faire un peu de tennis, des choses comme ça. De tout. Il y aura même des tournois de molki. Il y aura de tout. Si on veut inscrire son gamin, je sais pas, au tennis ou au foot, on pourra essayer de voir un petit peu comment ça se passe, discuter avec. Il y aura les entraîneurs, il y aura tout ça, les coachs. Il y aura le plus de monde possible et il y aura de tout. Il y aura des bénévoles, des entraîneurs, des salariés, de tout. Ça fait combien de temps que tu es dans la sauce, toi? Moi, ça fait 4 ans et demi. 4 ans? Toi, Patrick, ça fait 45 ans. Oui, c'est ça. À peu près. C'est mon âge, 45 ans, tu vois. C'est vrai. ça fait combien de temps, Patrick, que tu es dans la sauce? Depuis mes 18 ans, donc alors que je ne dis pas d'annerie, 86, 88. Non, on va calculer, fais gaffe. Non, faut pas calculer. Ça te tient toujours à cœur, ça te suit toujours, alors la SPTT. Le sport, c'est mon truc, moi j'adore ça. Ouais. Et après, je suis multidiscipline, j'adore tous les sports. Dès qu'il y a un échange, dès qu'il y a un partage, ça me plaît. Voilà, et bien rejoignez l'association de la SPTT, venez les voir. Pourquoi pas être dans le bureau, être adhérent aussi, c'est bien ça aussi, adhérent, filer un petit coup de main aux associations, ils en ont besoin après avoir vécu comme beaucoup le Covid. Et puis on vous rappelle cette date, Patrick, c'est le 2 juillet, le samedi 2 juillet, stade Fernand Sauger. Et ça démarre à 10h. C'est ça. C'est ça, tout à fait. 10h, 19h. C'est ça. À 9h non-stop, là, vous allez pouvoir découvrir cette belle association qui est à l'SPTT, multi-fonction, avec plusieurs sports à la clé. Et puis, il y aura plein de choses pour s'amuser, faire la fête et puis faire du sport. Ça, c'est super important. Merci Patrick d'être venu ce matin. Merci Franck de nous accueillir. Sur bah voilà, on vous rappelle cette date de juillet. Hein, c'est Saint-Cyr-en-Val, Ardon, la petite mairie, le beau stade. Hein. C'est grand en plus, il y a de quoi mettre du monde là-haut. Hein. Ah, normalement, oui, il n'y a pas de souci, on peut accueillir plein de personnes. Il y a de la surface. Voilà, passera le bonjour au président. Alors, monsieur Candolfi, hein, président général, évidemment, ça sera fait. Voilà. Eve, bah, merci. Eh ben, merci à vous. Puis, on vous attend aussi, vous, du coup. Ouais, moi, je viendrai. Bah, franchement, je passerai pas à 10h parce que moi, j'ai des activités nocturnes un peu. Mais en début d'après-midi, j'irai parce que je vais sûrement croiser des anciens du football. À l'époque où j'ai joué à la SPTT, j'étais jeune, hein, très très jeune. Eh ben, ce sera avec grand plaisir. Allez, je vous laisse les mots de la fin. Patrick, le mot de la fin pour toi? Eh ben, écoute, bonne journée à toi. Merci à ta radio de nous accueillir. Ouais. On vous souhaite à tous des bons moments sportifs et puis en souhaitant vous retrouver le 2 juillet au stade. Voilà. Eve, le mot de la fin? Eh ben, moi, je dirais rendez-vous samedi 2 juillet et n'hésitez pas à aller voir notre site internet et notre Facebook si vous voulez plus d'infos sur la SPTT Orléans. Voilà. Eh ben, vive la SPTT Orléans le 2 juillet. On vous rappelle ce bon rassemblement de 10h à 19h. N'hésitez pas à les rejoindre. Ça fera plaisir. Et puis, franchement, ça fait du bien de faire du sport. Merci, les amis. Merci. C'est quand que tu viens, c'est quand que tu passes, c'est quand que tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives, dans combien de temps, c'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant c'est le moment. Dis-moi c'est quand, quand, c'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence, ça s'unit cette rengaine, cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances, c'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ, c'est quand qu'on se promène, qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir. Come to you. je l'appelle Grégoire, hein, c'est un ami. C'est quand? Bah, c'est tout de suite, hein, on vous souhaite une belle journée, 25 degrés, c'est la... les maximales, hein, du soleil, quelques nuages, mais timides, aujourd'hui les nuages, ouais, pas de bleu, pucker. On est passé de la vigilance orange à la vigilance normale, aujourd'hui, belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel, 8h23, j'adore ce mec, il nous a quitté en 90, mais je pense à lui, un ancien animateur radio, monsieur Jean-François Maurice, le remix de 28 degrés à l'ombre. Radio Arc-en-Ciel. Le festival des Saints Populaires aura lieu le 9 et 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Samedi, à partir de 18h, défilé de trois groupes de tambours. Barbecue géant,

4 qu'on adore. Parler à mon père, belle reprise de Céline Dion. Lui aussi, il est d'Orléans. Et on l'a reçu beaucoup de fois à la radio. On l'aime aussi. Mon poteau, Alex Le Bail. Le bail sur un arc-en-ciel, et puis vous aussi vous l'aimez, lui il cartonne dans toutes les boîtes sur toute la planète, c'est le numéro 1 des clubs en ce moment. Voici Yanns, clic clic pom pom. Je vois ton petit gars, ma chérie, t'es trop séduisante. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Comme ça le matin avec Daddy Yankee, Loque Paso Paso, direction l'association l'Arc-en-Ciel pour Clara. On l'accueille tout de suite au téléphone, Magali, bougez pas. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et en plus, ça va avec la radio, Radio Arc-en-Ciel, une association pour Clara, un Arc-en-Ciel pour Clara. Bonjour Magali. Bonjour Francky. Comment ça va bien ce matin? Eh bien ça va. En pleine forme, prêt à aller travailler peut-être là? Cet après-midi. Ah bah ça c'est bien quand tu es du matin ou de l'après-midi. Au moins le matin tu peux profiter des belles journées en ce moment. Enfin aujourd'hui ça va être mitigé, mais après ça devrait s'améliorer. On va parler justement rapidement un arc-en-ciel pour Clara, cette association qui brille de mille feux, comment dire. Il se passe quelque chose, c'est quand Magali? Oui, c'est le 26 juin, le dimanche. D'accord, et ça se passe où Mag? À Ouzon-sur-Loire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir pour l'association pour Clara, justement? Il y aura quoi sur place? Alors, pour Clara, on fait un vide-grenier. Donc, avis aux exposants de venir. Il y a encore de la place en extérieur. Tout ce qui est emplacement, le métrage est reversé pour la petite. D'accord. En même temps, on fait... Donc, il y a une buvette et un point de restauration qui est reversé aussi pour un arc-en-ciel pour Clara. D'accord. Et nous faisons un petit jeu de l'arc-en-ciel donc sous forme d'enveloppe. Une petite tombola. Et tout est gagnant. Tout est gagnant. Et juste. Parking, place de karting, place de musée. Ah ouais, c'est un patoche alors, hein? Ouais, c'est un patoche. Et tout ça pour aider la petite Clara, hein? On rappelle rapidement de quoi est atteinte la petite Clara? Alors, Clara, elle est atteinte d'une maladie orpheline type Gabra 2, c'est tout ce qui est génétique. Malheureusement, elle n'est pas prise en charge ou très peu au niveau de la sécurité sociale. Mmh. Donc, on est obligé, ses parents sont obligés en tout cas de se battre au quotidien. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais ils se plaignent pas. Donc, ça va. S'ils se plaignent pas, c'est l'essentiel. En général, toujours comme ça. Eh ouais, souvent, c'est ceux qui se plaignent pas qui essayent de se battre, justement, pour la gamine. Et c'est beau ce qu'ils font, c'est beau. C'est magnifique. Si on peut... De toute façon, sinon, ils perdent du temps s'ils se plaignent. Donc, bah oui, c'est ça. Il y en a plein qui feraient mieux de arrêter de se plaindre, hein, je peux te le dire, moi. C'est ça. En tout cas, on vous rappelle la date pour aider l'association L'Arc-en-Ciel pour Clara. C'est quand, rappelle le mag? Le dimanche 26 juin à Ouzoir-sur-Loire. Et ça démarre à quelle heure? C'est de 6h à 18h. Ah ouais, ça commence de bonne heure. Et ouais, un petit grenier, c'est de bonheur. Et voilà, c'est de bonheur. Et il y a le café offert pour tous les exposants. Et ben voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on vous attend nombreux et nombreuses à Ouzoir-sur-Loire le 26, c'est ça, hein, c'est ça. Et bien venez nombreuses, aidez la petite Clara, voilà, ça peut être une petite goutte dans l'océan, mais des petites gouttes, ça fait des rivières. C'est ça. Merci Mag de ton témoignage. Eh ben merci Francky, merci à toi et merci pour ton soutien à chaque fois. Bah dès qu'il y a un truc, tu nous appelles, il y a pas de problème, on va filer un petit coup de main. On aime aider les associations, hein, si on peut leur filer un coup de main, si ça peut aider la gamine aussi à être bien, c'est nous on aime ça quoi. Et en plus arc-en-ciel pour Clara, tout ça va ensemble, hein. C'est ça. Voilà, belle journée Mag. Merci, bonne journée Francky. Salut. Bonne journée à vous du côté de la radio. Jean-Pierre qui vient juste d'arriver, il arrive dans moins de 3 minutes. La musique dans la peau, c'est Louisy Joseph et toute la troupe. La prends un micro quand même. Ah ouais, on l'accueille. J'avais oublié de lui dire. La musique dans la peau. Ah voilà. Tiens, j'ai un autre invité. Il est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah, c'est la classe à Dallas, mon frère. Hein. Ouais. T'as vu ça, je t'ai mis le jingle comme les invités. Moi, hein. j'adore. J'ai eu des invités avant, la SPTT, là, qui font un truc au mois de juillet, puis l'association pour Clara aussi, la gamine, hein, ils essayent de... Très important à soutenir l'association pour Clara. Ah ouais, moi, je la soutiens, en tout cas, comme je peux. J'ai acheté des porte-clés l'autre jour, là. Ouais, de sympatoche, le porte-clés. Qui porte-clés qui vendent, ils font plein de petits trucs sympas. Si on peut aider, hein. Pour la gamine. Exactement. Il y en a plein, il y a Raphaël aussi, il y a tout ça. Après, je vais pas tous les nommer parce que je sais plus, hein, mais si on peut filer un petit coup de main. Pas grand chose, hein. La radio, il faut qu'elle serve pour ça aussi. On sert à ça, nous. On sert à vous aider. Exactement. Un petit coup de pouce. Laver la voiture, on peut vous aider, on peut faire plein de trucs. Ouais. En ce moment, il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud à crever, là, en ce moment. Hein. Bon, ça va, Jean-Pierre? Ça va. Bien dormi, reposé, là. Prêt à attaquer dans les starting blocks bientôt 9h. Oui. Il y a des choses. L'appartement, je l'ai pris, hein, au Portugal, à Jeanne, là. Tu peux l'enlever. C'est vrai. Non, sérieux, je déconne pas, en plus. Ouais, elle doit m'appeler ce matin, là. Si elle nous écoute, Jeanne, tu peux m'appeler vers 10h. C'est à Longo, à Alzongo, je sais plus quoi, le bled là au Portugal. Ouais, Rio de Brava, voilà, c'est ça. Non, j'ai plus le nom en tête, mais c'est par là quoi, c'est au Portugal. En tout cas, je l'ai pris. C'est à côté de Porto. Voilà, à côté de Porto, ça a l'air sympatoche, hein. Ouais, d'ailleurs, j'aurais besoin de renseignements avec toi. Ah, mon ami. Mais il y a plein de coins à visiter. Porto, c'est beau, faut visiter. Ouais. Et aller du côté d'Aveiro aussi, qui est pas bien loin, et le petit Venise. Venise portugais, ouais. Moi, je serais, c'est loin, moi, ou d'où je serais, là? Non. Je suis pas loin de Porto. Non. Ouais, on peut y aller? Oui, bien sûr. Bon, ok, je te demanderai des renseignements, des fois, hein. Je t'appellerai. Avec plaisir. Hein, si je suis au Portugal, je me paume ou quoi. Je t'appelle, sac c'est bon, là. Sac c'est bon. Si je leur dis ça, là, ils vont me taper dessus ou pas, non? Non, ils vont dire, oui, c'est sac c'est bon. Sac c'est bon, aujourd'hui. Ouais, je vais leur dire ça. Là. L'émission, c'est parti. Donc, l'appart, c'est bon, je l'ai pris, hein. Tu peux. Okay, moi, je l'ai pris pour le début août. Bah, il y aura plus d'annonces, alors, qu'est-ce que tu veux? Non, mais je l'ai pris début août, après août, après le 17, tu peux le relouer. C'est bon, des bagnoles, non? Il n'y a pas de bagnoles. Parce que là, le garage, alors, si t'as une bagnole à me prêter. Non, pas de voiture. Ah, non, les offres d'emploi, du boulot. Du boulot. Ah ouais, du boulot, ouais. Bon, bah, ok. Et puis, les disques à la demande, comme d'hab. Voilà. Hein? Ça c'est bon, les disques à la demande. Vous appelez 0238 43 48 00 et puis Jean-Pierre vous passe vite que vous voulez. Bien sûr. C'est ça, voilà. Bon bah à tout de suite Jean-Pierre. À tout de suite. Il est 9h, on est un peu à la bourre. Non, hein, mais t'inquiète pas, avec toi mon Francky, y'a pas de soucis. Je prends l'antenne moi jusqu'à midi si tu veux, avec toi. Hein. Allez, à tout de suite. À tout de suite.